that's right. As we continue inside the bubble and juggle an original wood boy style of the Mr. Big Red, as we continue inside the do milk cat flex out. That means rinse out without a doubt, pass again installed. Original rude boy run around. Don't listen! Il reste une station avant la finale destination. Descends devant un gong avant que la cloche sonne. Imagine la vie sans ça. Tu te détruis là. Well, toutes les sensations grand jamais. C'est champion de toi, well, nah. Attends, tu te mets dans quel état, état. Rien vu venir vers toi, état. Donner le résultat, tu n'as plus vraiment le choix. Immobile, collé par terre, terre par seul. Y'a des fantômes avec toi, avec toi. Y'a ceux qui te vendent ça, pas bon pour la vida. Stomp sans lâche, sans kin, ça décroche, sans jeune, sans bonne, sans nix, ça balance, sans hein, ça. Tu ça dégage ça, personne termine à moi ça. Vanillant, renillant, et le temps détruit la tête haute. Peur de la descente, peur de la pente vertigineuse comme Tempa. Red Happy. Pixinueuse, vicieuse comme Tempa. On peut pas dire que la chèque est facile parce que ça ne l'est pas. Se transformer en fossile, le temps s'en occupe déjà, déjà, déjà, déjà. Écoute, mec, oublie ça. Écoute, mec, oublie ça. Écoute, mec, oublie ça. Écoute, mec, oublie ça. Écoute, mec, oublie ça. Écoute, mec, oublie ça. Love, love with unity. Who's on the microphone? Big Red and Jamalski. Sit down on the rhythm, represent a thing reality. All of them massive big and the wrong come follow it. Tell them to move, tell them to run, hibernate. Wait till next season, go build some dog plates and wipe it run. Because your life is at stake. Big Red in the place and we are mash up the gate. So, bona fide, we're certified. On the microphone, write it right. Ride with a rim and a black or white. No massive. We must unite, represent the culture. Ready we bring the slaughter. Grind up on the rhythm, we are true freedom fighter. Prends le mic MC, te parle ainsi des choses qui te hantent, qui te font mal au ventre. Je cause de produits qui ôtent la vie des plus avertis. Est-ce que ça tente? Est-ce que ça te chante? Come again, MC en accent, DJ action. C'est qui vient le son, guitare sur les drums. Aux paroles, fais attention bonhomme. Pour quelqu'un te baisse, c'est classé hors norme. Surtout le bénéfice énorme. Que font les bourges bien en forme? Qui peut t'en enfiler une tonne? Tout envoyer chier. Toi-même tu sais que tu m'étonnes. Retour à la réalité. Peux-tu me dire qui contrôle ça? Peux-tu me dire qui te refile ça? Écoute à mon avis, ce sont les parents de l'État. Plus t'es affaibli sous produit, plus ils abusent de toi. Écoute, mec, oublie ça. Écoute, mec, oublie ça. Écoute, mec, oublie ça. Écoute, mec, oublie ça. Écoute, mec, oublie ça. Écoute, mec, oublie ça. Écoute, mec, oublie ça. Écoute, mec, oublie ça. Il reste une station. Tu te détruis là. Toutes les sensations gagnent jamais.